Géodame, le Noël d'Octavio, 17 novembre 2017. Lu par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Octavio est bien vieux et bien fatigué. Par la fenêtre de la remise, où il a été mis à l'abri du gel et de la neige, il regarde le jardin tout gris et tout marron. L'hiver a éteint les couleurs de l'automne. Bientôt, il viendra déposer une belle couette de neige pour que la terre se repose jusqu'au printemps. Octavio devrait sortir. Il est temps pour lui d'aller travailler pour préparer le retour des beaux jours. Près de la porte, il a préparé ses outils, une bêche et un râteau, et les paniers remplis d'oignons de fleurs, crocus, narcis, jonquilles, qui vont s'étoiler sur l'herbe dès les premiers beaux jours. Octavio soupire. Il se dit qu'il devrait attendre lui aussi quand il fera moins froid, que la pluie aura cessé. Lorsque le soleil viendra réchauffer le ciel, il sera encore temps de remplir sa mission. Alors il va se coucher dans le petit berceau de paille qui lui a été attribué dans la remise. Et puis il s'endort. Quand il était petit, il y a de cela très longtemps, des enfants venaient jouer avec lui. Ils venaient lui raconter leurs histoires, lui confier leurs chagrins, et aussi, parfois, partager avec lui les cadeaux que le Père Noël leur avait apportés. Octavio se souvient et il rêve. Il rêve que, à son tour, le Père Noël vient lui rendre visite. « Ho, ho, ho !» dit le grand bonhomme rouge. « Que veux-tu pour ma fête, petit Octavio ?» Octavio a bien un souhait, mais il n'ose le dire. Alors il se contente de répondre. « Je voudrais un pompon blanc pour mettre au bout de mon bonnet. » Le Père Noël rigole et répond. « D'accord, Octavio, tu auras ton cadeau quand tu te réveilleras demain matin. Allez, je te laisse, j'ai beaucoup de travail, tous les enfants m'attendent. »« Merci, Père Noël !» répond Octavio en rêve. Au matin, il fait bien froid dans la remise et Octavio frissonne. Il se lève et... Non, il n'a pas rêvé. Là, devant lui, au bout de son bonnet rouge, il y a un beau pompon blanc comme une boule de neige. Et puis aussi, une bien jolie brouette pour transporter ses outils et les paniers d'oignons à planter. Exactement celle dont il rêvait. Octavio se met alors à danser. « Merci, Père Noël, merci, merci. Grâce à toi, demain, mon travail de plantation sera fini. Je serai le plus heureux des nains de jardin. »